C'est le début du US, c'est depuis lundi, le US Open qui bat son plein à Flushing Meadows. On en parle avec notre amie Caroline Dely. Salut Caroline. Bonjour. Caroline, d'abord, avant de commencer, j'aimerais te féliciter. Troisième participation aux Jeux du Canada à Niagara. C'est vraiment un bel honneur pour toi. Qui t'a choisi? Est-ce que c'est le Tennis Canada ou... Non, ça c'est plus Tennis Québec, là, parce Tennis que Québec, bon, chaque province a ses entraîneurs pour, tu sais, des ceux de l'Ontario ont leur propre entraîneur, ainsi de suite, là, toutes les provinces finalement. Fait que nous, ben, on fait affaire avec Tennis Québec, puis c'est ça, là, comme je l'avais déjà fait deux fois, ben là, ils m'ont demandé si ça m'intéressait encore de le faire pour 2021. Fait que j'ai pensé un petit peu, là, parce que j'ai pas nécessairement donné ma réponse tout de suite, mais finalement, j'ai décidé de y aller, puis... c'est ça, donc c'est sûr, c'est une belle expérience. C'est plaisant de travailler avec la relève aussi, puis des jeunes espoirs, là, tu sais, parce que c'est quand même le niveau est quand même élevé, c'est vraiment de la haute performance. Puis donc ça va me permettre justement de travailler avec ces athlètes-là. Ça devrait être quand même une belle expérience. Puis c'est sûr que le Québec, on vise toujours pour la médaille d'or, hein. Fait qu'on va essayer d'aider notre équipe là, à y parvenir. Là. Donc ça va être un de nos mandats. OK. Donc, historiquement, y a-t-il des noms qui ont déjà participé là? Les Félix Auger-Aliassime, les Eugénie, ça a tout fait ça, hein? Ouais, ben moi, j'ai lorsque je l'ai fait en 2009 en tant qu'entraîneuse, il y avait Eugénie Bouchard, justement, qui était dans l'équipe. Fait que c'est sûr que c'est quand même bien là, de pouvoir travailler avec des athlètes comme ça parce qu'on connaît la suite. Hein. Après ça, Eugénie est devenue dans les meilleurs au monde. Puis ben, c'est quand même un privilège de pouvoir travailler avec des athlètes de pointe comme ça. Fait que c'est sûr, c'est des jeunes, c'est 18 ans et moins, donc tu sais, ça implique des joueuses et des joueurs là, de 16 ans et moins, donc environ là, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, ça va être dans ces gros d'âge là qu'on va faire la sélection là, pour après ça, ben c'est ça, là, choisir quatre garçons et quatre filles. OK. Parlons de maintenant de ce qui s'appelle des US Open. Évidemment, nous, on s'attendait à Félix Auger-Aliassime, donc Shapovalov, c'était un match. Tu sais, une mauvaise journée au bureau, là. C'est une belle preuve. Ouais, hein? C'est sûr que Félix, dans son cas, là, un petit peu de nervosité, puis c'est vrai qu'il n'a pas joué son meilleur match. Par contre, il faut regarder l'autre côté du filet, hein, avec Shapovalov qui était comme en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Il a pratiquement fait aucune erreur. Fait qu'il a pas volé le match là, parce qu'il a vraiment il a laissé aucune chance à Félix, dans le fond, de pouvoir peut-être là embarquer dans le match. Puis c'est ça, moi je trouve, écoutez, c'est super encourageant pour Shapovalov parce que dans le fond, on aime Félix parce que c'est un Québécois, mais on aime aussi Shapovalov parce que c'est un Canadien, puis il est sympathique, puis les gens l'ont presque adopté au Québec. Donc on veut les encourager les deux. C'est juste dommage qu'ils se soient affrontés dès le premier tour parce que c'est deux jeunes qui auraient pu faire un bon bout de chemin dans le tableau, là. Puis Félix, ben c'est ça, c'est malheureux. C'est sûr que là, c'est son ami en plus. La dernière fois, c'est Félix qui avait gagné, mais c'est certain que jouer contre un de ses compatriotes, puis en plus un de ses très bons amis, ben c'est jamais trop évident. Fait qu'est-ce qui peut se passer dans leur tête à ce moment-là? Écoutez, ben, y a juste eux autres qui le savent, là, mais c'est sûr qu'ils sont quand même encore jeunes, hein. Fait que c'est pas tout évident de tout gérer ça, là, la pression, puis jouer contre quelqu'un qu'on est quand même ami avec et tout, là. Donc, mais Félix va sûrement rebondir, là, ça, je suis persuadée. Puis c'est un jeune avec une bonne tête sur les épaules. Puis dans le cas de Shapovalov, ben, en tout cas, on peut être fier, là. C'est le fun de voir qu'il est rendu au troisième tour, puis il va jouer contre Gaël Monfils, un autre joueur. Un peu comme lui, hein, très très explosif, puis qui aime épater la galerie avec des coups là, spectaculaires, donc ça devrait nous donner droit à du beau jeu. Oui, effectivement. J'ai hâte de voir. Shapovalov est vraiment sur une belle lancée. Là. La semaine passée, il a fait la demi-finale. Là il a fait il va affronter mon fils qui est blessé, qui ne sera pas à son top niveau, donc ça devrait être très, très, très intéressant. Bianca Andreescu va bien également. Bianca qui écoute là, les choses sérieuses vont commencer demain dans son cas là, avec Caroline Wozniacki. Ben oui, écoutez, elle a gagné ses deux premiers matchs. Il faut quand même le faire, hein, parce que, bon, elle nous épate toujours, là. Elle arrive toujours à aller chercher des victoires, puis elle accumule les victoires. Faut dire qu'elle perd pas souvent, en tout cas, dans les tournois qu'elle joue. Elle a pas joué beaucoup, là, depuis quelques mois en raison de blessures. Mais je veux dire, quand elle est là, elle est très présente, puis elle nous donne droit à du très beau tennis, puis... ça devrait être une belle bataille contre Caroline Wozniacki. Ce sera pas facile, ça c'est certain. Mais tu sais, Bianca, c'est une battante, puis ça va vouloir tout faire pour gagner. Puis là, d'ailleurs, avec ses deux premières victoires dans le tableau féminin, elle atteint là, le 10e rang mondial. Donc, elle va passer du 15e au 10e, ça c'est garanti. Fait que c'est pas rien, hein. Une jeune de 19 ans, là, déjà top 10 au monde, c'est, tu sais, puis même si elle veut pas y penser, elle doit bien y penser, hein. Il y a beaucoup de sous au bout de tout ça aussi. Fait qu'en tout cas, je pense qu'elle s'amuse, puis c'est ça qui est important, en autant qu'elle reste en santé. Et puis là, le tableau, la portion de tableau vient de s'ouvrir parce que Simona Halep a perdu hier. Fait que là, écoutez, quand il y a une couple de favorites qui sont plus là, ben ça ouvre le tableau, ça peut donner une chance de plus peut-être de se rendre un petit peu plus loin. Mais c'est certain que ses entraîneurs vont bien la préparer pour qu'elle joue là, vraiment un match à la fois. Fait qu'il faut pas regarder trop loin dans le tableau parce que Wozniacki c'est quand même une féroce compétitrice là, donc ça devrait être un bon match. Oui, effectivement, on va surveiller ça de très près. Eugénie, je veux te parler d'Eugénie. C'est sûr qu'il y a du monde qui... avant, je vais te parler de Pospisil qui lui, a perdu hier, mais par contre, avait livré tout un match contre le 12e favori. Là. Il a battu le 9e au monde, Kachanov. Donc, c'est très encourageant pour lui parce qu'on sait qu'il revient d'une grosse blessure. S'est fait opérer au dos. Fait que là, on va voir la suite. J'espère qu'il va pouvoir rester en santé puis bâtir là-dessus. C'est dommage qu'il ait perdu son match d'hier, mais comme il disait, là, il était quand même assez... physiquement, il était un petit peu amoché. Il sentait beaucoup de fatigue. Puis, tu sais, c'est pas évident de jouer des longs matchs comme ça, des 5-7. Puis, tout de suite, même si c'est une journée de congé entre chaque match, revenir puis encore faire un autre 4-7. Fait que c'est très exigeant au niveau physique. Puis, on sait qu'à Flushing Meadows, il fait très chaud. C'est humide. Les joueurs ont chaud. Il y en a qui ont ont eu des crampes. Bon, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Mais dans son cas, non, c'est encourageant. Puis j'espère qu'il va pouvoir continuer de nous offrir du beau tennis comme ça, parce que c'est vraiment un bon joueur qui est très apprécié, puis qui est le fun à regarder jouer. Là, donc, effectivement. Je veux te parler d'Eugénie en terminant. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui disent pourquoi qu'on parle encore d'elle. Ben, elle est encore là, malheureusement. Là. Ben, heureusement ou malheureusement, ça dépend comment de quel côté vous vous penchez. Moi, je veux dire, on sait qu'il y a des rumeurs qui disent que c'est pas un caractère facile. C'est vraiment pas un caractère facile, mais ça doit être très difficile pour elle, là. C'est un chemin de croix terrible, là. Faut qu'elle fasse preuve d'humilité, c'est sûr que là, écoutez, elle accumule les défaites, hein. Ouais. Elle gagne pas de match. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la confiance, ben, ça peut pas augmenter. Ça fait juste diminuer. Je pense pas que c'est un manque de vouloir dans son cas. Non, on dit que c'est pas un manque de vouloir. Elle s'entraîne quand même fort et tout, mais c'est juste qu'elle est pas capable de mettre tout ça ensemble. Fait que peut-être qu'elle aurait intérêt là, justement à jouer des tournois de plus petits, si on veut, là. Où est-ce qu'elle pourrait regagner de la confiance, là, exemple les tournois Challenger, un peu comme on a ici à Saguenay. Parce que c'est quand même de l'excellent calibre dans ces tournois-là. Fait que ça veut pas dire non plus qu'elle gagnerait des tournois de ce type-là. Mais non, en fait, des tournois et au moins, ça pourrait lui permettre, c'est ça, les tournois ITF, de peut-être gagner un peu de confiance. Parce que là, son classement continue de descendre un petit peu, là, ça dégringole. Là, le nouvel entraîneur, fait qu'on va voir quelles décisions ils vont prendre dans son cas. Mais là, je sais qu'elle veut se renforcer aussi au niveau musculaire pour être capable de rivaliser justement avec certaines joueuses, puis frapper comme plus fort, plus solide, être capable de mieux récupérer aussi entre les matchs et les tournois. Mais c'est ça, t'sais, on voit qu'elle veut pas nécessairement abandonner, là, elle est pas prête à acheter la serviette, elle veut continuer justement là à s'améliorer et tout, mais c'est ça. Donc tu sais, parce que des fois elle nous démontre des belles choses, mais des fois ça dure pas, hein. Fait que là, présentement, ben c'est sûr que depuis quelque temps, elle ne gagne aucun match. Fait que elle va avoir une décision à prendre, là, c'est certain. Ben là, parce que là, ce qui va arriver, c'est que ça va être les qualifications du US Open, là. C'était qualifié déjà. Non, c'est ça. C'est ça. Là. Puis là, elle rentrera plus dans les gros tournois. Non. C'est qu'elle n'aura pas le choix là, de faire des tournois un petit peu moins gros là, en envergure. Donc, puis ça, ben des fois, c'est peut-être difficile aussi hein, de faire deux, trois pas vers l'arrière pour en faire cinq en avant. Fait que là, faut comme qu'elle recule un peu puis qu'il fait puis qu'elle puisse là, justement gagner des matchs, parce que si tu gagnes pas de matchs, tu n'accumules pas de points. Fait que tu montes pas au classement. Non, fait que dans ce cas-là, c'est ce qui va être important. Là. Caroline, un gros merci. On s'en parle à la fin du US Open. Parfait, merci. Collaboratrice Caroline Delisle.